4 avril. Il faut que je me tienne sérieusement sur mes gardes. Il est survenu dans nos expériences une complication sur laquelle je n'avais pas compté. Dans mon ardeur à me procurer la documentation scientifique qui m'est nécessaire, j'ai eu la sottise de rester aveugle aux rapports psychologiques qui se sont établis entre Mademoiselle Penellosa et moi. Je peux écrire ici ce que je ne confierais à personne. La malheureuse me fait l'effet de s'être pris d'un grand attachement pour moi. Cet aveu, je ne me le ferais pas même à moi et entre les pages de mon journal intime, si la chose n'était arrivée à un point tel qu'il est impossible de l'ignorer. Depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, j'avais déjà remarqué certains indices auxquels je n'avais pas cru devoir attacher d'importance. C'était son enthousiasme lorsque j'arrive, son abattement lorsque je m'en vais, son désir de me voir plus fréquemment, l'expression de ses yeux, le ton de sa voix. J'ai cherché d'abord à me persuader que tout cela ne signifiait rien et qu'il fallait simplement imputer ses particularités à l'exubérance de son caractère créole. Mais hier soir, en me réveillant de mon sommeil hypnotique, je lui ai tendu la main d'un geste inconscient et involontaire et j'ai serré la sienne. Quand j'ai repris tout à fait connaissance, nous étions assis, en face l'un de l'autre, les doigts enlacés, et elle me regardait avec un sourire plein d'expectative. Et ce qu'il y a d'horrible, c'est que j'étais tenté de lui adresser les paroles qu'elle attendait de moi. Quel misérable hypocrite j'aurais été! Comme je me serais méprisé aujourd'hui si je n'avais pas su résister à l'impulsion de cet instant-là. Mais Dieu merci, j'ai eu suffisamment d'énergie pour me lever d'un bond et m'enfuir aussitôt. J'étais malhonnête, je le crains, mais je ne pouvais pas. Non, je ne pouvais pas me fier à moi-même une seconde de plus. Moi, un galant homme, un homme d'honneur, fiancé à une jeune fille des plus charmantes. Dire que dans un moment de passion irraisonnée, j'ai failli professer de l'amour pour cette femme que je connais à peine, qui est beaucoup plus âgée que moi, et par-dessus le marché, infirme. C'est monstrueux, c'est odieux. Et pourtant, l'impulsion était si forte que si j'étais seulement resté une minute de plus en sa présence, je me serais compromis. À quoi faut-il attribuer cela ? Je suis chargé d'enseigner aux autres les fonctions de notre organisme. Mais au fond, qu'est-ce que j'en connais moi-même? Est-ce le déclenchement de quelque ressort secret de ma nature qui s'est subitement produit? Est-ce le réveil brusque d'un instinct brutal et primitif? Je serais presque enclin à croire aux histoires d'obsession, de hantise, de mauvais esprit, tant le sentiment que j'ai éprouvé était irrésistible. Cet incident me met décidément en très fâcheuse posture. D'un côté, il m'en coûterait beaucoup de renoncer à des expériences que j'ai déjà poussées si loin et qui promettent les plus brillants résultats. D'un autre côté, si cette malheureuse femme s'est prise de passion pour moi, mais sûrement même à présent je dois commettre quelque grossière erreur. Elle, à son âge et avec son infirmité, allons donc, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, elle savait quel lien m'unissait déjà à Agatha. Elle ne pouvait s'illusionner en aucune manière sur ma situation. Si elle m'a souri, c'est peut-être que cela l'a amusée de voir que, tout étourdi encore de la léthargie dont je sortais, je lui prenais la main sans m'en apercevoir. C'est précisément parce que l'influence magnétique persistait en moi que je l'ai interprétée de cette façon, et que je lui ai cédé avec une rapidité si bestiale. Je voudrais pouvoir acquérir la certitude qu'il en a été réellement ainsi. Somme toute, le parti le plus sage et probablement de remettre la suite de nos expériences au moment où Wilson reviendra. J'ai donc écrit un mot à Mademoiselle Penellosa sans faire aucune allusion à ce qui s'est passé hier soir, mais en lui disant qu'un travail pressé m'obligeait à interrompre nos séances pendant quelques jours. Elle m'a répondu d'une manière un peu cérémonieuse pour m'informer que, dans le cas où je viendrais à changer d'avis, je la trouverais chez elle à l'heure habituelle. 10 heures du soir. En vérité, quel homme de paille je fais! Depuis quelque temps, j'apprends à me mieux connaître, et à mesure que je me connais davantage, je perds de plus en plus de mon estime pour moi-même. Non, c'est inadmissible. Je n'ai pas toujours été aussi faible que cela. À 4 heures, j'aurais souri avec dédain si quelqu'un était venu me dire que j'irais ce soir chez Mademoiselle Penellosa. Et malgré cela, à 8 heures, j'étais à la porte de Wilson, comme de coutume. Je ne sais comment cela s'est fait. La force de l'habitude, comme il y a la passion de l'opium, et je suis victime de cette passion-là. Toujours est-il que, pendant que j'étais en train d'écrire dans mon cabinet, je suis devenu de plus en plus agité. Je m'impatientais, je m'énervais, je n'arrivais pas à concentrer mon attention sur ce que je faisais. Et puis finalement, presque sans avoir eu le temps de m'en rendre compte, j'ai saisi mon chapeau et j'ai couru à mon rendez-vous habituel. Notre soirée fut des plus intéressantes. Madame Wilson est restée constamment avec nous, ce qui eut l'heureux effet d'obvier à la gêne que l'un de nous deux au moins n'aurait pas manqué autrement de ressentir. Mademoiselle Penelosa se montra en tout point telle que d'ordinaire et ne témoigna aucune surprise de me voir en dépit de ce que je lui avais écrit. Rien dans son attitude ne m'a permis de supposer que l'incident d'hier lui avait laissé une impression quelconque. Aussi, j'incline à croire que je me l'étais très exagéré. 6 avril, dans la soirée. Non, non, je ne me l'étais pas exagéré. Il est inutile que je cherche à me dissimuler davantage que cette femme s'est prise de passion pour moi. C'est monstrueux, mais c'est ainsi. Ce soir encore, en sortant de mon sommeil hypnotique, j'ai constaté que j'avais ma main dans la sienne. Et j'ai éprouvé pour la seconde fois cet odieux sentiment qui m'incite à répudier mon honneur, ma carrière, tout en un mot, pour aller vers cette créature qui, je me rends très bien compte lorsque je ne suis pas soumis à son influence, ne possède absolument aucun charme. Mais quand je suis près d'elle, je ne raisonne plus de la même façon. Elle a le don d'éveiller en moi quelque chose de malsain, quelque chose à quoi je préférerais ne pas penser. De plus, elle réussit à paralyser ce qu'il y a de meilleur en moi, dans le même temps qu'elle y stimule ce qu'il y a de plus mauvais. Décidément, sa compagnie exerce sur moi une influence néfaste. Hier soir, ce fut encore pire que précédemment. Au lieu de me sauver comme je l'avais fait l'autre fois, je suis bel et bien resté pendant un certain temps encore avec elle, tandis qu'elle me tenait la main. Et nous nous sommes entretenus des questions les plus intimes. Nous avons parlé, entre autres, d'Agatha. Où diantre avais-je donc la tête ? Mademoiselle Penelosa m'a dit qu'elle était vieux jeu, et je lui ai répondu que je partageais son avis. Elle m'a parlé d'elle à une ou deux reprises sur un ton méprisant, et je n'ai pas protesté. De quelle abjection ai-je fait preuve, mon Dieu ? Si faible que j'ai pu me montrer, il me reste cependant assez d'énergie encore pour mettre un terme à ces choses-là. Je ne veux pas que pareille scène se renouvelle à l'avenir, et elle ne se renouvellera pas. J'ai assez de bon sens pour fuir lorsque je ne peux combattre. À partir d'aujourd'hui, dimanche, je ne retournerai jamais plus voir Mademoiselle Penelosa. Non, jamais. Tant pis pour les expériences, tant pis pour mes recherches, qui n'aboutiront pas. J'aimerais mieux n'importe quoi, plutôt que d'affronter à nouveau la monstrueuse tentation qui me rabaisse à ce point. Je n'ai rien dit à Mademoiselle Penelosa. Je me contente simplement de m'abstenir de retourner près d'elle. Elle en devinera la raison. 7 avril. J'ai tenu ma promesse. C'est dommage d'abandonner des études aussi intéressantes. Mais ce serait encore plus grand dommage de ruiner mon existence. Et je sais que je ne peux pas me fier à moi-même avec cette femme. 11 heures du soir. Mon Dieu, mais qu'ai-je donc ? Est-ce que je deviens fou ? Voyons, tâchons d'être calmes et de raisonner un peu. Je vais commencer par rapporter exactement ce qui s'est passé. Il était près de 8 heures. Lorsque j'écrivis les lignes avec lesquelles commence cette journée. Me sentant étrangement inquiet et agité, je sortis de chez moi pour aller passer la soirée avec Agatha et sa mère. Elles remarquèrent toutes deux que j'avais la figure pâle et défaite. Vers 9 heures, le professeur Pratt Haldane vint nous retrouver, et nous fîmes un whist avec lui. Je m'efforçais tant que je pouvais de concentrer mon attention sur les cartes, mais cette sensation d'inquiétude croissait peu à peu et elle finit par devenir si grande que je devins impuissant à lutter contre elle. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais rester assis à la table de jeu. À la fin, au beau milieu d'une partie, je jetai mes cartes, marmottai quelques vagues excuses en prétextant un rendez-vous et m'élançai hors du salon. Comme si cela s'était passé dans un rêve, je me souviens confusément d'être dégringolé 4 à 4 dans le vestibule, d'avoir arraché mon chapeau de la patère où il était accroché et d'être sorti en claquant la porte derrière moi. Comme si j'avais vu cela en rêve également, je garde l'impression d'une double rangée de réverbères, s'étendant dans la nuit, et mes bottines éclaboussées de boue me font voir que je dus courir en suivant le milieu de la chaussée. Tout cela fut imprécis, étrange et pas naturel. J'arrivai à la maison de Wilson, je vis Madame Wilson et je vis Mademoiselle Penelosa. Je n'ai qu'un souvenir très obscur de notre conversation, mais ce que je me rappelle bien, c'est que Mademoiselle Penelosa fit mine de me menacer avec sa béquille et m'accusa d'être en retard et de n'avoir plus l'air de m'intéresser autant à nos expériences. Nous n'avons pas fait d'hypnotisme, mais je suis resté un certain temps et je viens seulement de rentrer. Mon cerveau est redevenu tout à fait lucide à présent, et je suis en état de pouvoir réfléchir convenablement à ce qui s'est passé. Il serait absurde de supposer que c'est uniquement ma faiblesse et la force de l'habitude qui m'ont fait agir ainsi. J'ai essayé de me l'expliquer de cette manière-là l'autre soir, mais je m'aperçois à présent que ce n'est pas suffisant. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond et de bien plus terrible, car enfin, lorsque j'étais en train de jouer au whist chez les Marden, j'ai été littéralement traîné au dehors, tout comme si l'on m'avait tiré par le cou avec une corde. Je ne peux plus me le dissimuler désormais, cette femme s'est emparée de moi. Elle me tient dans ses griffes. Mais il faut que je garde tout mon sang-froid et que j'essaie de raisonner la chose afin de voir quel sera le meilleur parti à prendre. C'est égal, faut-il que j'aie été assez aveugle et assez stupide pour me laisser entortiller pareillement. Dans mon enthousiasme à poursuivre mes recherches, je n'ai pas vu le gouffre béant qui s'ouvrait sous mes pieds, et j'y suis tombé. Ne m'a-t-elle pas elle-même averti ? Ne m'a-t-elle pas dit, ainsi que je peux le lire dans mon propre journal, que, quand elle a réussi à exercer son pouvoir sur un sujet, elle peut ensuite l'obliger à obéir à sa volonté ? Oh, ce pouvoir, elle est parvenue à l'exercer sur moi. Je suis actuellement sous la domination absolue de cette infirme. Je dois aller la voir quand elle me l'ordonne. Je dois faire ce qu'elle veut que je fasse. Je dois, et c'est encore là le pire de tout, je dois éprouver les sentiments qui lui plaît de me faire éprouver. Je la déteste, je la crains, et malgré cela, tant que je resterai sous le charme, elle pourra certainement me contraindre à l'aimer. Il est donc un peu consolant tout de même de penser que ces odieuses impulsions, dont je me suis blâmé, ne viennent en réalité pas de moi du tout. Elles émanent d'elle, et rien que d'elle, encore que j'ai été sur le moment si loin de m'en douter. Cette idée me réconcilie un peu avec moi-même et me rend le cœur plus léger. 8 avril. Oui, maintenant, en plein jour, et tandis que j'écris posément en me donnant tout le temps de réfléchir, je suis forcé de confirmer tout ce que j'ai écrit sur mon journal hier soir. La situation dans laquelle je me trouve est éprouvante, mais il importe avant tout que je ne perde pas la tête. Il faut que j'oppose à la puissance de cette femme les ressources de mon intelligence. Après tout, je ne suis pas un pantin qu'on fait danser au bout d'une ficelle. J'ai de l'énergie, de l'esprit, du courage. En dépit de ces sortilèges diaboliques, je parviendrai peut-être à venir à bout d'elle quand même. Peut-être. Ce n'est pas peut-être que je dois dire, c'est il faut, sans quoi, que deviendrai-je ? Essayons un peu de raisonner la chose. Cette femme, d'après ses propres explications, a la capacité d'exercer sa domination sur mon système nerveux. Elle peut implanter son esprit à la place du mien dans mon corps et gouverner ce corps à sa guise. Elle a une âme parasite. Oui, c'est un parasite monstrueux. Elle s'introduit dans mon âme comme le Bernard l'ermite dans la coquille du Bucin. Je suis à sa merci, mais qui puis-je ? Je suis en butte à des forces dont je ne connais absolument rien. Et il ne m'est pas possible de m'ouvrir à qui que ce soit de l'embarras où je me trouve. Et si jamais l'histoire venait à s'ébruiter, l'université ne manquerait certainement pas de dire qu'elle n'a que faire d'un professeur tourmenté par le diable. Et Agatha ? Non, non, il faut que je tienne tête au danger, tout seul. Je viens de relire les pages où j'ai noté ce que m'avait dit cette femme lorsqu'elle m'avait parlé de son pouvoir. Elle prétend que, quand l'influence est seulement légère, le sujet a conscience de ce qu'il fait, mais ne peut pas s'empêcher de l'accomplir, tandis que quand elle est au contraire très marquée, il cesse complètement de se rendre compte de ses actes. Or, jusqu'à présent, j'ai toujours su ce que je faisais, bien qu'un peu moins nettement hier soir que la fois précédente. Par conséquent, cela semblerait indiquer qu'elle n'a pas encore usé de toute sa puissance sur moi. Vit-on jamais un homme placé dans une situation pareille? Au fait, si, peut-être y en a-t-il eu un. Et ma main qui me touche de près, Charles Sadler, a dû passer par où je passe en ce moment. Ces vagues paroles d'avertissement prennent une signification à présent. Oh, si seulement je l'avais écouté alors, avant que je n'aie aidé, au moyen des séances réitérées, à forger les maillons de la chaîne avec laquelle je suis maintenant attaché. Mais j'irai le voir aujourd'hui. Je lui demanderai pardon d'avoir tenu si peu de cas de ses judicieux avertissements. Je verrai s'il peut me donner un conseil. 4 heures de l'après-midi. Non, il ne peut pas me donner de conseil. J'ai causé avec lui, et il a témoigné une si vive surprise au premier mot que je lui ai dit pour tâcher de lui expliquer mon abominable secret que je me suis abstenu d'aller plus loin. Autant que j'ai pu comprendre, par ce qu'il m'a laissé entendre et par ce que j'ai deviné, bien plus que par ce qu'il m'a réellement dit, ce qui lui est advenu à lui-même se borne à quelques mots et à quelques regards, comme ceux que j'ai eu à endurer pour mon compte. Le fait qu'il a abandonné Mademoiselle Penelosa suffit à lui seul à me montrer qu'il n'a jamais été réellement pris dans ses filets. Ah, s'il était capable de se douter de ce qu'il a esquivé, c'est à son tempérament flegmatique de Saxon qu'il le doit. Moi, je suis brun et celte, et les griffes de cette sorcière sont profondément implantées dans mes nerfs. Parviendrai-je jamais à dénouer leur étreinte? Reviendrai-je jamais le même homme que j'étais il y a juste 15 jours? Cherchons ce que je dois faire. Quitter l'université au milieu de trimestre, il n'y faut pas songer. Si j'étais libre d'agir à mon gré, ma ligne de conduite serait toute tracée. Je n'aurais qu'à boucler mes malles, séance tenante, et m'en aller faire un voyage en Perse. Mais au reste, me permettrait-elle de partir? Et son influence ne pourrait-elle agir sur moi-même en Perse et me ramener malgré moi auprès d'elle? Ce n'est qu'au prix d'amères expériences que je parviendrai à circonscrire les limites de sa puissance démoniaque. Je lutterai âprement de toutes mes forces jusqu'au bout. Que pourrais-je faire de plus? Je sais très bien d'avance que ce soir, vers 8 heures, ce désir de me rapprocher d'elle, cette agitation irrésistible, m'envahiront de nouveau. Comment les surmonterai-je? Que ferai-je? Il faut que je m'enlève toute possibilité de sortir de chez moi. Je fermerai la porte à double tour et je jetterai la clé par la fenêtre. Mais alors, demain matin, comment m'arrangerai-je? N'importe, demain matin j'aviserai. En attendant, il faut briser à tout prix cette chaîne qui m'entrave. 9 avril. Victoire, victoire, j'ai admirablement réussi. Hier soir, à 7 heures, je me suis dépêché de dîner, puis je me suis enfermé dans ma chambre à coucher, et j'ai laissé tomber la clé dans le jardin. J'ai choisi un roman gai, et je me suis mis au lit, essayant, pendant 3 heures, de m'absorber dans ma lecture, mais, en réalité, en proie à une trépidation horrible, m'attendant à tout moment à ressentir l'impulsion mauvaise. Il n'en fut cependant rien, et ce matin, je me suis éveillé avec l'impression d'être enfin débarrassé d'un atroce cauchemar. Peut-être cette créature a-t-elle eu l'intuition des dispositions que j'avais prises, et compris qu'il serait inutile de chercher à m'influencer. Dans tous les cas, je l'ai battue une fois, et du moment que je l'ai battue, je pourrais recommencer. Je me suis trouvé très embarrassé le matin à cause de la clé. Heureusement, il y avait en bas un aide-jardinier, et je lui ai demandé de me la jeter. Il a dû penser que je venais seulement de la laisser tomber. J'aimerais mieux faire visser toutes les portes et les fenêtres et charger 6 hommes vigoureux de me maintenir sur mon lit plutôt que de me laisser mener ainsi par le bout du nez. J'ai reçu cet après-midi un petit mot de Madame Marden me priant de passer chez elle. Mon intention, n'importe comment, était bien d'aller la voir. Mais j'étais loin de me douter qu'elle avait de mauvaises nouvelles à m'annoncer. Il paraît que les Armstrong, qui doivent laisser leur fortune à Agatha, ont quitté Adélaïde pour rentrer en Angleterre à bord de l'Aurora, et qu'ils ont écrit à Madame Marden et à sa fille pour les prier de venir au-devant d'eux, à Londres. Elles devront s'absenter probablement pendant 1 mois ou 6 semaines, et comme l'Aurora doit arriver mercredi, il est nécessaire qu'elles partent immédiatement, dès demain si elles sont prêtes à temps. Ce qui me console, c'est que, une fois qu'elles seront de retour, nous ne nous séparerons plus. Je vais vous demander de me promettre une chose, Agatha, lui dis-je, lorsque nous fûmes seuls ensemble, c'est que s'il vous arrive de revoir Mademoiselle Penelosa, soit à Londres, soit ici, vous ne lui permettrez plus jamais de vous hypnotiser. » Agatha ouvrit de grands yeux étonnés. « Comment ? Mais l'autre jour encore, vous me racontiez que vos expériences vous passionnaient et que vous aviez l'intention de les poursuivre le plus longtemps possible. Je le sais, mais depuis, j'ai changé d'avis. Et vous ne voulez plus vous en mêler ? Non. Que je suis contente, Austin. Vous ne vous figurez pas comme vous étiez pâle et comme vous aviez l'air fatigué depuis quelque temps. C'est ce qui nous faisait le plus regretter d'être obligés d'aller à Londres en ce moment, car il nous en coûtait de vous laisser seuls alors que vous paraissiez si abattu. Et puis, vous aviez parfois des manières d'être si étranges, surtout le soir où vous nous avez si brusquement quittés, laissant ce pauvre professeur Pratt-Haldane dans l'obligation de faire le mort. Je suis convaincue que ces sortes d'expériences ont une très fâcheuse influence sur les nerfs. Je le crois aussi, mon ami. Et pas seulement sur les vôtres, mais sur ceux de Mademoiselle Penelosa aussi. Vous avez su qu'elle était malade ? Non. C'est Madame Wilson qui nous l'a appris hier soir. Elle dit que c'est une fièvre nerveuse. Le professeur Wilson doit rentrer cette semaine. Et naturellement, Madame Wilson tient beaucoup à voir Mademoiselle Penelosa rétablie avant son retour, car il rapporte avec lui tout un programme d'expériences qu'il désire mettre à exécution au plus tôt. Je suis content d'avoir obtenu la promesse d'Agatha, car c'est bien assez de l'un de nous deux au pouvoir de cette femme. Mais d'un autre côté, la nouvelle de la maladie de Mademoiselle Penelosa me cause un certain malaise. Cela tend plutôt à atténuer ma victoire d'hier soir. Je me rappelle en effet lui avoir entendu dire que, quand sa santé devenait moins bonne, son influence s'amoindrissait. C'est peut-être pour cela que j'ai pu lui résister si facilement. Quoi qu'il en soit, je reprendrai les mêmes précautions ce soir, et nous verrons bien ce qu'il en adviendra. J'en arrive à avoir peur comme un enfant, dès que je pense à elle. 10 avril. Tout s'est passé à merveille hier soir. J'ai eu bien envie de rire en voyant la figure du jardinier lorsque j'ai été obligé de lui demander ma clé, comme hier. Si cela continue, je finirai par passer pour un original aux yeux des domestiques. Mais le point capital, c'est que je suis resté dans ma chambre sans éprouver la moindre envie d'en sortir. Je crois vraiment que je suis en train de m'affranchir de ce joug effroyable, à moins que cela ne prouve simplement que la puissance de cette femme demeurera en suspens tant qu'elle n'aura pas recouvré ses forces. Je ne peux que formuler un souhait, c'est que tout aille pour le mieux. Les Marden sont partis ce matin. Il me semble que le soleil printanier a perdu tout son éclat. Et pourtant, il est bien beau tout de même à voir sur les marronniers verts qui sont en face de mes fenêtres, et ces rayons mettent un peu de gaieté sur les murs, tout chargés de lichens des vieux collèges. Que la nature est donc douce, aimable et apaisante. Qui donc supposerait jamais qu'il sommeille en elle des forces si méprisables, des possibilités si odieuses ? Car, cela va sans dire, je me rends très bien compte que cette chose effroyable dont je suis victime n'est ni surnaturelle, ni même contre nature. Non, c'est assurément une force naturelle qui est encore presque inconnue, mais dont cette femme sait se servir. Le seul fait que cette force subit les fluctuations de ses forces à elle prouve surabondamment qu'elle est soumise d'une façon absolue aux lois physiques. Si j'en avais le temps, je pourrais étudier la chose à fond et peut-être découvrir son antidote. Mais ce n'est plus le moment de chercher à apprivoiser le tigre quand il vous tient dans ses griffes. Le seul expédient qui vous reste est de tâcher de se soustraire à ses coups. Ah, quand je me regarde dans la glace et que je vois mes yeux sombres et ma physionomie espagnole aux traits accentués, je me prends à souhaiter que quelqu'un me les arrose de vitriol ou qu'une attaque de petites véroles les vienne ravager. L'un ou l'autre de ces malheurs m'épargnerait la calamité que je subis. Je penche à croire que tout n'ira pas si bien ce soir. Deux choses, en effet, me le font craindre. La première, c'est que j'ai rencontré dans la rue Madame Wilson et qu'elle m'a dit que, quoique faible encore, Mademoiselle Penelosa allait cependant déjà mieux. Je me surprends à souhaiter en moi-même que cette maladie dont elle est atteinte soit sa dernière. La seconde, c'est que le professeur Wilson va revenir dans un jour ou deux et que sa présence la forcera certainement à se contraindre. Pour ces deux raisons-là, j'ai le pressentiment que j'aurai de l'ennui ce soir et que j'aurai soin de prendre les mêmes précautions que ces jours-ci.